Dans ma quille, motride que sans pincée les dures, je n'ai mieux desservi qu'un haï, mais si vauque qu'à des confitures, soyeux pour l'amour de car de très loin à l'amour, mais un jour vous aimez servi, non que vos cœurs n'ont en roux, doux plour qui m'a tout anéanti. Sans gémir, que ce n'est mieux droiture que tout dit soit en oubli, car ami, parmi partir est mon cœur d'ardure, belle s'il est toi ainsi. Dame qui motride que sans passer les dures, je n'ai mieux desservi qu'un haï, mais si vos cœurs qu'à des confitures, soyez pour l'amour de Dieu.